listening to Overdrive on Radio Dio. Of Tuesday. Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio. En ouverture, le groupe israélien Orphanland avec Only the Dead Have Seen the End of War sur cet album Unsung Prophet and the Dead Messiah. Encore une fois, un message d'une triste actualité. Overdrive maintenant sur Radio Dio, de la très bonne musique, une interview ce soir un peu plus tard du groupe Coup d'État. Et pour l'heure, on se passe un peu de heavy metal pur et dur avec Firewind, le groupe grec de Ghost G en live avec Still Raging pour une petite démonstration de maîtrise de guitare. Yeah. Yes, Gusty, The Firewind, I Am The Anger, extrait de cet album live, I Am The Anger, Still Raging, sorti sur le label AFM Records. On continue dans Shredder, pur et dur, avec Lynch Mob, George Lynch, extrait de cet album Babylon, qui va voir le jour sur Frontiers Records. Ce sera Fire Master. Desire. Lynch Mob avec son album Babylon et le morceau Fire Master. Vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo. Ce soir, dans l'émission, j'ai la chance d'avoir le groupe Coup d'État qui nous sort son premier album aujourd'hui même du côté de la clonosphère. Alors les gars, est-ce que vous nous entendez bien du côté de l'ouest de la France ? On vous entend parfaitement bien. Est-ce que vous nous recevez à Saint-Étienne ? Eh ben écoute, ça va plutôt très bien du côté de Saint-Étienne. Alors pour ceux qui ne connaissent pas votre projet, vous nous présentez une musique d'influence diverse, mais d'influence qui se retrouve principalement dans les années 90. Donc lorsqu'on vous écoute, on pense tour à tour à des groupes, que ce soit des groupes alternatifs, des groupes également de métal extrême. Donc est-ce que vous pourriez, Rémi, donc toi qui es guitariste, et Ethan à la batterie, revenir sur la genèse du groupe et les influences diverses qui composent votre projet ? Alors oui, le groupe il s'est créé en 2019, donc on est tous potes, hein, on vient de la même ville, Bressuire, dans l'ouest de la France. Et donc on avait envie à la base de faire du gros son, quoi, un peu death thrash et tout. Donc on a commencé à composer quelques titres. Et donc on est des musiciens avec un petit parcours derrière. Tom il joue également dans War Inside, qui est un groupe de death black metal. Ludo il joue également dans Trépalium, qui est un petit peu connu. Je sais pas si c'est connu du côté de Saint-Étienne. Donc, bien sûr que si, on les a déjà eu en interview également dans Overdrive, bien entendu. Voilà, exactement. Donc on avait commencé à faire un petit peu notre musique et puis on cherchait un chanteur et Ludo nous a dit moi j'ai une bonne idée. On va prendre la femme de Vinvin, qui est batteur dans Trépalium aussi, Théona. Donc Théona, elle est pas de Bressuire à la base, vu qu'elle est de Géorgie, donc c'est un petit peu plus loin des Deux-Sèvres et de l'ouest de la France. Donc Théona, elle a aussi de la bouteille en matière de musique, parce qu'elle, c'est elle qui a le parcours le plus exceptionnel en termes de, musique. Elle a gagné le X-Factor géorgien avec son groupe, qui s'appelle Vanilla Cage en Géorgie. Un groupe de rock metal et on a commencé à bosser un peu ensemble et puis donc assez rapidement on s'est rendu compte qu'avec Théona on pouvait faire autre chose que du growl ou du scream et on s'est mis à travailler dans plein d'autres voix parce qu'elle est super à l'aise aussi bien dans des registres rock, elle est très influencée par Alice in Chains par exemple et aussi les registres fusion un peu voilà, Rage Against the Machine, Body Count, etc. Donc on s'est mis à mélanger un petit peu toutes ces influences sans réellement avoir un plan en tête autre que faire la musique qu'on avait envie de jouer, quoi. Exactement. Et puis j'aimerais revenir bien entendu sur cette voix, puisque cette voix pour moi c'est vraiment un élément marquant de la personnalité du groupe Coup d'État, puisque comme tu l'as dit hein, sur souvent les riffs que vous composez et votre instrumentation, votre musique, on aurait tendance à attendre souvent une voix beaucoup plus grave, beaucoup plus grôlée et qui au final aurait moins de caractère et de personnalité que celle de Théona ici présente. Et du coup, on trouve qu'il y a vraiment un côté très, très personnel, en fait. On n'arrive pas vraiment à donner une influence précise. On pense tour à tour à différents chanteurs, à un certain même Zach de la Roca. Parfois, on ne sait pas vraiment si à l'écoute, au premier abord, après avoir écouté votre album, on ne savait pas si c'était une voix de femme ou d'homme. Et c'est en cherchant, bien entendu. Donc, qu'est-ce que c'est cette volonté un petit peu de toucher à tout? C'était quelque chose que vous vouliez dès le départ? Ce qui est clair, c'est que on aime tous plein de genres de musique, hein, et on n'avait pas envie de se mettre dans un registre particulier. Donc c'est vrai qu'on était un peu emmerdé qu'on fallait mettre une étiquette à notre musique. On avait du mal à trouver l'étiquette qui collait bien. Et c'est vrai que pour un premier album, en plus, je trouve ça intéressant, enfin nous, de notre niveau, de pas trop s'enfermer dans une case et de pouvoir explorer déjà pas mal de voix pour que lorsqu'on fera d'autres productions, on n'ait pas le sentiment d'un tournant, d'un revirement, mais plutôt d'une progression logique par rapport à des choses qu'on peut être déjà proposées. Donc chez nous, de toute façon, je pense que tous, ça nous ferait chier de faire un truc uniforme, monotone, homogène, quoi. Et j'adore les groupes qui sont monolithiques, qu'on voit du gros black ou du gros death monolithique, j'adore ça, mais moi, j'ai pas envie de faire ça. pense que Tom... C'est clair. Ouais. Puis après, l'idée, c'était quand même de se servir de ce que c'est faire Théo, quoi. Quand elle chante, forcément, même en chant clair, on se prend quand même des bonnes claques. Donc, on est aussi capable de faire des choses un peu plus calmes. Moi, qui viens de groupes qui sont quand même beaucoup plus bourrins et tout, ça fait du bien aussi de faire de la batterie et de faire des trucs beaucoup plus cool, quoi. C'est moins sportif, quoi. J'en place une petite War Inside, donc un groupe de Nantes, de Black Death, dans lequel Tom joue de la batterie. Donc si vous avez écouté l'album de Coup d'État, vous pourrez voir que Tom, il peut blaster non-stop. Ils vont sortir bientôt un nouvel album, donc dans un registre assez différent. Mais c'est vrai qu'on a souhaité faire une musique qui respire un peu, qui soit pas monolithique, qui puisse ouvrir plusieurs chemins, on va dire. En tout cas, oui, bien entendu, parce que vous êtes malgré tout capable d'envoyer la sauce, et puis il y a quand même des riffs qui sont franchement heavy sur l'album. C'est pas forcément de la musique, on va dire, légère pour autant. Hein. Ouais. Mais néanmoins, je pense que cette voix, et puis la musique d'une manière générale, arrive à respirer d'une certaine façon, et ne pas être tout simplement tout le temps les curseurs dans le rouge à 100% du temps, tout simplement, avec plus de dynamique, en fait. Ouais. Justement, je profite de tu dis ça pour revenir sur la production. Donc, on a travaillé avec Fabien Guillotot, le nomade audio à un studio dans l'ouest de la France aussi. À côté de La Roche-sur-Yon. Il a bien retranscrit ce qu'on recherchait. Tu parlais d'influence 90s. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup de respect pour ce qui se fait aujourd'hui en termes de métal. On va dire les productions, les sons hyper poussés qu'on va voir dans le deathcore, dans le djent, etc., avec des productions où tout est compressé à fond, tout est assez lisse, c'est pas ce que j'aime particulièrement. Je pense que c'est la même chose pour tout le monde du groupe. Et il a réussi à retranscrire un son qui est propre, qu'on voit, mais qui reste naturel, qui reste avec de la dynamique, et c'est ce qu'on voulait, quoi. On voulait pas un truc qui soit un mur tout lisse. Comme ce qui peut se faire et qui est très bien. Je suis en train de critiquer dans l'absolu. Hein. Ça correspond à un style qui a sa raison d'être, quoi. Mais nous, on voulait pas forcément aller dans cette voie-là, quoi. Je pense qu'en termes de production, l'important, en tout cas, c'est de respecter, on va dire, le caractère et la personnalité de la musique. Bien entendu, on mettrait pas la même production à un groupe comme Fear Factory à CDC, par exemple. C'est clair. Nous, on veut garder tout à fait ce côté un peu organique. Comme tu l'as dit, Fear Factory, par exemple, vous pouvez mener une production assez clinique, des choses assez comme ça froides. Nous, on voulait que ça vive un peu, qu'il y ait du médium, qu'il y ait qu'on ait ce côté un peu rock qui soit présent. Même si, comme tu l'as dit, c'est des gros riffs. Et là aussi, c'est une volonté du groupe. Il y a Théona qui nous permet d'envoyer vers des univers, pop, quoi, enfin rock, en tout cas, si on veut, on fait de la pop avec Théona, il n'y a pas de problème. C'est une chanteuse qui, par ailleurs, fait de la variété, elle fait des reprises d'Alicia Keys, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais du coup, avec ce potentiel-là, on aime bien avoir quand même des gros parpaings de sons, de batterie et de guitare qui font un contraste, quoi, avec la voix. Et j'imagine que tout ça doit donner un sacré bordel également sur scène. Eh bien oui, 2023 n'a pas été très riche en prestations scéniques parce que Théona a eu un joli petit bébé fin juillet. Donc on a fait un concert en début février où Théona était déjà enceinte et à la fin du concert on s'est dit waouh, ça va pas le faire. Et donc on a arrêté les quelques dates qu'on avait et le bébé est encore tout petit et un peu besoin de sa maman. On va reprendre les concerts 2024. Il y a déjà une bonne poignée de dates qui sont prévues en 2024 et d'autres qui vont venir. Donc on va pouvoir défendre l'album en 2024. Et justement, cet album, vous l'avez composé pendant le confinement. Qu'est-ce qu'il en est ? Entre autres, oui. En partie, oui. Le projet avait quand même débuté avant. Pardon ? Le projet avait quand même débuté avant le confinement, ouais. Etc., le Covid. Tout juste avant le Covid, en fait. On a débuté en septembre 2019, je crois, et puis le Covid est arrivé presque 6 mois après. Donc on a été un peu handicapé quand même parce que on travaille dans les studios de répétition dans une salle là qui est à Bressuire, qui a été fermée. Mais on a continué à composer un peu, notamment Rémi et moi. Moi, le confinement a été compliqué pour moi, pas possible de faire de batterie, c'était difficile, donc je me suis acheté une batterie électronique, en fait. Très bel choix. Et du coup, ça nous a permis de continuer à bosser un peu, et on a bossé pas mal de des premiers morceaux qu'on avait, qui font un peu plus old school. Les premiers morceaux qu'on a composés étaient un peu plus old school, on a composé des... Ils étaient un peu plus... un peu plus métal. Et puis, au fur et à mesure, après le confinement, là, quand ça a avancé... On est parti sur des trucs qui étaient un peu différents. Ouais, c'est vrai que Théo était pas très présente au début. Elle est plus venue après. Donc c'est à ce moment-là que ça a un peu changé les riffs. Et puis ça a pas Ludo aussi, le bassiste là, qui lui veut clairement, enfin lui le death machin, ça ne l'intéresse plus trop. Donc c'est pas que ça l'intéresse plus, mais il a pas envie d'un truc ultra brutal. C'est vrai qu'on est plus, si on devait être rapproché d'un genre, ça serait plus le groove metal à la Pantera que, même si on a plein de riffs qui sont death et trash, on a quand même plus une dynamique un peu plus groove metal, on va dire. J'ai ressenti également des influences à la Gojira sur certains passages. Ouais, alors, oui, tout à fait, je peux le comprendre. Des fois, je me dis, ouais, les gens vont se dire que c'est du Gojira, alors que pour moi, c'est du Morbid Angel. Mais, ils ont été influencés par Morbid Angel. Ouais, voilà, c'est ça. Mais j'adore Gojira, c'est un groupe que je trouve fantastique. Et c'est vrai que moi, quand je compose mes riffs, ce que j'ai en tête, c'est Morbid Angel, principalement. Mais comme Gojira, donc au final, ça finit par ressembler à du Gojira aussi. Ouais, mais c'est sûr, Gojira, c'est un groupe qu'on a tous énormément écouté. On kiffe à fond, évidemment. Et justement, est-ce que cette période de confinement a influencé votre façon de composer par rapport à ce que vous aviez commencé à prévoir avant? Le fait de répéter à distance, le fait de bosser peut-être tout simplement avec une batterie électronique en s'envoyant des fichiers, en studio de répétition. Moi, personnellement, la batterie, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé parce que du coup, on composait que en répète. Donc, on répète la semaine et on répète systématiquement le soir en semaine. Donc, après le boulot, moi, souvent, je suis quand même assez naze. On répète le soir assez tard. Et du coup, ouais, les périodes de confinement où on bossait plus tout ça, moi avec la batterie électronique, Rémi m'envoyait des fichiers de gratte, ça me permettait de poser de la batterie dessus et puis de réécouter ce que j'avais fait tout de suite pour potentiellement dire là, bon, ça me plaît pas trop, j'essaye autre chose, je réenregistre, je réécoute, ouais, c'est mieux. Et puis du coup, je renvoyais les morceaux avec la batterie posée aussitôt à Rémi et puis forcément, ouais, moi, enfin, perso, moi, la batterie, ça m'a vraiment beaucoup aidé, la batterie électronique, j'étais pas trop pour avant, quoi. Enfin, ça me faisait chier de mettre des thunes là-dedans. Mais, pour composer, ouais, ça m'a clairement aidé. Et puis, ça m'a clairement aidé aussi avant d'enregistrer l'album. Ouais, c'est surtout ça, ouais. Parce que, du coup, toutes les petites parties batroches me concernant, où c'était pas totalement finalisé, les roulements, les trucs comme ça, ou des trucs où j'étais pas hyper à l'aise, sachant que on est parti sur des compos, on a des compos qui sont un peu plus, cool. Moi, je suis habitué à faire du blaze, du puka, de la grosse double. Et les trucs un peu plus groovy, pour moi, ça n'a pas été évident au début. Alors, pouvoir bosser à la batterie électronique et réessayer des trucs, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis oui, avant l'enregistrement, je me rappelle que j'ai dû faire un bon mois, là. Pareil, j'enregistrais des trucs, juste des petits roulements où on n'était pas dedans nickel, c'était pas parfait. Du coup, je pouvais enregistrer 5, 6, 7, 8, 10 roulements différents, les faire réécouter au gars pour dire... lequel vous trouvez le mieux. Donc ouais, moi ça m'a vraiment beaucoup beaucoup aidé. Je trouve le ça marrant. Le fait de travailler des pré-prods, presque on pourrait dire. Ouais, c'est ça. Ah, complètement en fait. Ouais. Ouais. Pour résumer, le confinement, ça a fait acheter une batterie électronique à Tom. C'était le grand changement. Et du coup, on a pu faire de la pré-prod avant l'album. Et on est arrivé à l'enregistrement en mode commando, quoi. Je veux dire, on se posait pas de questions. On savait ce qu'on avait à faire. On envoyait la sauce et basta, quoi. Donc ça a été la pré-prod. De toute façon, c'est indispensable quand tu veux faire un boulot qui est propre en studio, au moins tu sais où tu vas précisément, et grâce aujourd'hui à tous les outils numériques, batterie électronique en fait partie, dans un sens, tu peux facilement faire de la pré-prod sans que ça te coûte un bras, quoi. Ouais, bien entendu, après ça n'empêche pas, à mon sens, d'arriver à avoir une certaine forme d'expérimentation au studio, mais au moins que les parties de base soient précises, parce que sans quoi, à peu près dans tous les styles de métal, c'est difficile de venir en studio sans être préparé, quoi. Je reviens sur ça, sur l'expérimentation en studio, parce que tu parlais tout à l'heure du fait qu'on ait des gros riffs de métal avec parfois une voix qui dessus correspond pas tout à fait. Tu feras écouter à tes auditeurs, si j'ai bien compris, le titre Guerrilla's Revenge. Oui, c'est un bon exemple de ça. C'est un titre avec vraiment des riffs dessus à la Morbid Angel, très très lourd, très très death. Et en fait, lors des moments de pré-prod, Théo elle avait placé dessus hein, du scream, quoi, du chant agressif, un peu trash, quoi. Et en fait, en studio, Ludo et puis Théo sont partis à se dire « Non, on va faire un chant à la Alice in Chains dessus, avec l'harmonisation vocale, un truc qui n'a rien à voir. » et ça, ça a été un peu un moment d'expérimentation. Il y en a eu quelques-uns comme ça, mais vraiment, ça a été au niveau de la voix. Pour le coup, Théo était pas complètement... Elle avait pas bien fait cette voix, on va dire. Mais Théo, c'est un peu de tous, c'est la plus cancre, mais la plus brillante, quoi. C'est celle qui apparaît grâce à la veille, mais qui sort la meilleure copie, quoi. Voilà. Donc ben voilà, nous a sorti un truc. C'est tout était pas calé au dernier moment et. C'est un truc ouais. qui a osé faire. Ouais, c'est ça. Il y a que les chanteurs qui peuvent faire Ludo ça. Qui l'a un peu poussé pour lui dire bah si vas-y en fait. Et puis c'est vrai que quand on a reçu le truc, on a fait bon trop bien. Ça va leur aller plein de chaînes aussi donc. Ah ouais. C'était vraiment cool quoi. C'est la classe. Eh ben écoutez, je vous propose d'écouter ça tout de suite. Guerrilla's Revenge. Ouais. Extrait de l'album Coup d'État qui sort ce soir même, le 13 octobre, du côté de la Clonosphère. On s'est parti. Gaia's Revenge sur l'album éponyme de Coup d'État. Ça sort aujourd'hui même du côté de la Clonosphère. J'ai Rémi et Tom du groupe. Donc, est-ce que vous êtes toujours à l'autre bout du fil du on côté est là, de on Bressuire, est là. C'est ça dans la place. Les deux Sèvres. Donc, ben oui. Alors, on pourrait revenir peut-être sur les paroles de ce morceau, Gaia's Revenge. Qu'est-ce qu'on a là? Un morceau, on va dire, à l'influence environnementale? Alors, sur les paroles, je vais faire une petite intro. Autant tout le processus de composition musicale, et c'est vraiment un travail 100% collectif où tout est validé, autant pour les paroles, comme les autres flemmards du groupe veulent pas s'y coller, et que je suis le seul à savoir lire et écrire dans le groupe... Donc ça c'est Rémi, le guitariste, qui dit ça. C'est moi qui les écris les paroles, donc du coup c'est moi qui mets ce que j'ai envie de mettre. Donc voilà, pour dire que voilà, on n'est pas non plus une espèce de commando politique avec une idéologie voilà qui serait comme ça toute affirmée. Alors c'est complètement une dictature. C'est moi qui impose mes points de vue. Et donc oui, c'est un morceau qui reflète un peu mes obsessions environnementales. C'est l'histoire, c'est assez simple. C'est Gaïa, donc dans la religion grecque, ça fait partie des deux divinités fondamentales primordiales avec Uranos. Et donc, Gaïa, elle en a un petit peu marre de se faire percer le ventre à grands coups de forage pétrolier et puis de projets miniers. Donc, elle appelle Uranos pour venir faire le ménage. Et donc, à la fin, elle est quand même triste parce que toute l'humanité est morte. Donc, il n'y a plus personne pour venir s'occuper d'elle là derrière et faire des louanges. Voilà, c'est ça l'histoire de la chanson. Et est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve en tant que fil rouge autour de cet album, étant donné qu'on a quand même un peu cette idée de Gaïa qui fume une cigarette sur la pochette de l'album? Ouais, c'est marrant que tu dises ça. Alors en fait, l'artwork, c'est mon cousin Quentin qui m'a fait ça très très généreusement. Je lui avais juste demandé, je voulais une figure féminine majestueuse, enfin souveraine, quelque chose qui exprime une forme de souveraineté. Et juste ça, avec assez peu d'autres indications, si ce n'est que je lui avais donné des peintures, des images qui étaient un peu les thèmes que je voulais au niveau esthétique, sans forcément qu'il y ait une idée de composition derrière, de composition dans le sens que j'attends tel ou tel élément. Donc c'est un peu lui qui a fait ça à son feeling. Qu'est-ce que ça exprime? Oui, on peut l'exprimer comme ça. On peut dire que c'est Gaïa qui est un peu toxico, quoi, à fumer des clopes, et puis qui souffre un petit peu vu qu'elle a semble en pleurs. C'est une interprétation possible. En fait, il n'y a pas une volonté derrière. Il n'y a pas un message, quoi. C'est une proposition artistique de la part de mon très cher cousin. Et nous, elle nous a plu, donc on a validé, quoi. C'est... Et chacun, il voit ce qu'il a envie d'y voir. En fait. Et il n'y a pas vraiment de, on va dire, message profond qui a été réfléchi en amont dans la pochette. Non, et ça, c'est un point important dans... Enfin, je sais pas si tu es d'accord, Tom, dans ce que je vais dire, mais moi, dans ma vision de ce qu'est une proposition artistique, si tu es capable de tout expliciter les éléments, dans un sens, c'est un peu loupé. Il faut qu'il y ait une forme de flou. Il faut qu'il y ait une forme de... quelque chose qui ne serait pas dissible par les mots. T'exprimes des émotions, t'exprimes une vision des choses... une vision de comment tu vois le moment, comment tu vois tes propres émotions par rapport à ce moment-là. Et dans un sens, si tu prends une forme musicale, une forme de picturale, de dessin, c'est que t'es pas capable de l'exprimer par des mots. Tu veux l'exprimer autrement. Donc, on commence pas par écrire un concept et après essayer d'illustrer ce concept-là, quoi. Et puis c'est aussi une forme de laisser à l'auditeur une certaine forme d'interprétation. Je pense que c'est quelque chose d'important. Toutes les grandes œuvres et puis même pas mal d'œuvres littéraires, lorsqu'on on va chercher et qu'on creuse et qu'on essaye de trouver des thématiques ou ce genre de choses, on va en parler à l'auteur, il va dire ouais, c'est vrai, mais j'y avais pas du tout pensé à la base, quoi. C'est ça, complètement. C'est ça. Moi, j'aime bien quand aussi dans la création artistique, il y a une forme de côté un peu fortuit, par moment tout est pas calculé, que c'est une rencontre, que c'est il y a une forme de spontanéité, presque d'accident par moment, et qui fait quelque chose qui est beau et qu'on n'aurait pas pu. Et alors, c'est ce qui se passe réellement dans notre processus de création artistique. Souvent, il y a un des membres qui amène une idée, voire une compo complète. Alors, c'est souvent moi, mais pas mal Ludo aussi. Et puis, on travaille ensemble, quoi. Et parfois, moi, ça m'est arrivé d'arriver avec des compos complètes, en me disant, bah, elle est géniale, vous allez voir, les gars, elle est géniale, cette compo. Et puis, bah, finalement, les autres, ils sont là, non, ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul. Et puis, on retape tout, en fait. Et c'est plus du tout la chanson que j'avais composée. C'est quelque chose qui est complètement différent. Et en même temps, c'est carrément mieux. Parce que j'aurais jamais été capable de la trouver, cette idée-là, tout seul. Et c'est cette rencontre, ces accidents, qui font la beauté du truc, quoi. Oui, alors moi j'aimerais revenir un instant sur le nom du groupe Coup d'État, avec un nom pareil. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être un petit peu catalogué dans un certain type de groupe qui peut avoir, on va dire, un message très, très politique, par exemple? C'est qu'on a envie d'aller jouer au Niger, au Burkina Faso en ce moment, c'est pour ça. Non, c'est une blague. Alors, pourquoi on s'est appelé comme ça? On se grattait la tête avec Ludo, donc le bassiste, sur quel nom trouver. Et on était chez lui, et on était en train de boire un coup, et on aime bien boire du whisky, et il avait justement un whisky qui s'appelle Coup d'État. Et on était en train de le boire. Et donc, il s'appelle Coup d'État parce que c'est un lord écossais qui a créé ce whisky en hommage au coup d'État de Napoléon en 1799. Et donc, il l'appelait comme ça, Coup d'État à l'anglaise, avec un K, et on s'est dit, mais c'est génial comme nom. D'accord. C'est un nom de whisky, un côté un peu, ça fait un peu les trucs à la Pantera, tu vois, les pochettes d'albums Jack Daniels ou quoi, enfin voilà, c'est un peu. Oui, c'était un peu bourré, je pense. Ouais, c'est bourré, mais on trouve toujours que c'est un super nom, et qui, là encore, qui est polysémique, quoi, qui a plusieurs sens, qui a plusieurs significations, tu mets ce que tu veux derrière. J'espère que nos amis burkinabés se diront que c'est, En hommage au coup d'État de Traoré, ou enfin voilà, chacun verra qui s'y voudra, mais voilà, non, c'est pas, il n'y a pas de signification politique ou quoi derrière, il y a par contre l'idée d'un truc puissant, voilà, c'est con, mais voilà, un bon groupe métal, il a un nom qui raconte un truc balèze, quoi, tu vois, comme c'est Slayer, plutôt, là. C'est plutôt dans le sens, de, on va dire, du sens primaire du groupe, on vient et on fait un coup marquant, plutôt qu'avoir une vision un petit peu politique qui soit mise en avant. Oui. On n'est pas du tout en train... Alors là, c'est un message à Gérald Darmanin. On n'est pas du tout en train de planifier un coup d'État en France. Hein, voilà, il ne faut pas nous ficher. Voilà. Je pense qu'ils ont d'autres choses à fouetter en ce moment. Oui, je crois. Alors oui, dans le style de musique que vous proposez, souvent on a quand même une musique un peu technique, ne serait-ce que de par les riffs de guitare, etc. Souvent dans ce genre de formation, on retrouve une deuxième guitare dans deux sens, à mon avis, à la fois pour grossir le son, pour les riffs, hein, ça je pense qu'avoir la stéréo des deux guitares qui jouent en même temps, c'est important, et puis également pour parfois enrichir, etc., avoir des guitares lead, des harmonies, des choses comme ça. Vous avez fait le choix d'une formation plus resserrée. Alors bien sûr, les deux formations ont leurs avantages. Pourquoi le choix? Est-ce que ça pourrait évoluer avec une seconde guitare? On souhaite pas que ça évolue. Y a plein de mes groupes préférés, Metallica, Morbid Angel, Def, qui jouent avec deux guitares. Et il y a aussi plein de mes groupes préférés, Black Sabbath, Pantera, Led Zeppelin, Tool, qui jouent avec une seule guitare. Dans les deux cas, on fait des choses différentes. Dans un sens, faut être plus imaginatif quand on n'a pas de deuxième guitare. Parce que y a moins de voix. Et il y a des trucs très chouettes qu'on peut faire à deux guitares. Genre une guitare qui fait un accord quand l'autre fait une petite ligne mélodique. Ils sont super chouettes. Qu'on peut pas faire là. Ou pas avec la même ampleur, voilà, c'est pas aussi majestueux. Et faut être plus ingénieux dans un sens avec juste une guitare. Et après on aime bien l'équilibre live, on aime bien l'équilibre en répète, on aime bien le côté un peu plus groove, plus massif presque. On aime bien aussi que la basse, voilà, soit bien là, bien gratte. Ouais, je pense que c'est un point important. Quand on a deux grattes, souvent la basse elle est un peu plus noyée. Et d'ailleurs le son de l'album où là il y a deux guitares, évidemment comme tous les albums on les enregistre avec deux guitares. Mais la basse est bien présente dans le mix, bien lourde, et c'est un choix. Là encore, ça nous rapproche un peu de Pantera, quoi, en termes de son, de dynamique, quoi. Oui, je pense que ça, le fait d'avoir qu'une seule guitare, ça laisse plus de place à la basse pour s'exprimer et pour groover, pour instaurer une vraie assise rythmique. D'ailleurs, dans tous les groupes dans lesquels on avait une seule guitare, on retrouve un bassiste qui est quand même assez, assez marquant. On peut penser à Geezer Butler dans Black Sabbath, Rex Brown, même si c'était pas la personnalité qu'on a plus mis en avant. Il avait quand même des parties de basse qui étaient super, super inventives, avec un son là aussi bien, bien massif. Ouais. Et je pense que c'est un point important là aussi. Non, ça ne changera pas. Ça sera vraiment un truc qui va rester l'identité du groupe tel qu'on la souhaite, quoi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est de la suite pour Coup d'État? Est-ce que vous avez prévu déjà des compos en plus que vous n'avez pas inclus sur ce 9 titres, premier album complet? Et qu'est-ce qu'il en est pour la suite? Oui, on commence déjà, étant donné que Théona, la chanteuse, était enceinte et qu'on a fait un arrêt de concert là, depuis un peu plus de 6 mois, on a commencé à composer d'autres titres. Là, on doit en avoir 4. Je crois qu'on a 4 titres de composés qui sont nouveaux. Donc voilà où on en est pour l'instant. La suite, c'est surtout là pour nous de défendre l'album, quoi. Maintenant que Théo va être de nouveau opérationnel. Donc ça sera début 2024, mais on continue à répéter toutes les semaines. Pour continuer à avancer sur des compos, sur des nouvelles compos qui sont, je pense, les nouvelles compos, même encore un peu moins métal que ce qu'on a fait sur le premier. Ça dépend. On a aussi composé notre plus brutal. Mais sur le reste. Ouais, sur le reste, c'est peut-être un peu plus rock et un peu plus. Un peu moins def, quoi, on va dire. Ok. Le but, là, on a. On se questionne un peu, EP, deuxième album, on n'est pas encore arrêté dans l'idée. Mais il y aura un deuxième effort qui viendra derrière. Faut déjà qu'on puisse défendre le premier, trouver les moyens aussi de payer le premier, parce que ça coûte des sous hein, de sortir un album. Faut quand même réussir à payer le premier avant de lancer un deuxième, quoi, dans l'idée, quoi. Et puis le but, c'est bien d'en lancer un deuxième, et c'est en cours, quoi. Je pense que quand on montera sur scène, on aura déjà quelques nouveaux titres par rapport à l'album. Ouais. Et dernière question pour ce soir. 2023, vous savez que c'est quand même pas vraiment l'année du format album complet. Est-ce qu'il est important pour vous d'avoir peut-être une sortie discographique d'un format un peu plus court, mais un peu plus resserré d'un point de vue de la fréquence? Donc on voit quand même de plus en plus des groupes. On peut penser par exemple à Massisteria qui a sorti un double album à 6 mois d'intervalle. Voilà, un format plus court avec non plus, on va dire, 13 chansons sur un album, mais on va dire 4-5 chansons avec une fréquence de sortie plus... plus est-ce que c'est important à votre sens et est-ce que ça a du sens? Alors, on était cette semaine en train de se poser le débat et de réfléchir dessus et on n'a pas de réponse à cette question. Pour l'instant. Ouais, on n'a pas de réponse à cette question. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent dedans. Le fait est que aujourd'hui, pour exister, faut faire un peu de promotion, ça coûte un peu d'argent, et en fait, promouvoir 4 titres, promouvoir 12 titres, ça va coûter aussi cher, quoi, grosso modo. Ça, c'est un premier point. Moi, je suis un vieux, j'aime bien les albums. J'aime bien l'album, pour moi, c'est autre chose qu'une simple... D'ailleurs, à la base, un album, c'est un album de single, mais en fait, c'est devenu autre chose, c'est devenu une unité. Avec derrière une couleur, une ambiance, et j'aime bien ça, moi. Et donc j'aime bien faire un album. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus rationnel de sortir un bon single avec un bon clip et une bonne promo juste sur ça, parce qu'aujourd'hui on écoute des playlists sur Spotify ou Deezer, on n'est plus à acheter un album et à l'écouter comme autrefois, voilà. Dommage. mais c'est plus la même façon de consommer. Moi, je reste à l'ancienne à écouter des albums. Et moi, fondamentalement, je suis amateur. Donc, on se pose la question. J'ai envie de faire ce qui me fait plaisir. Mais c'est vrai qu'on se pose la question. Mais moi, j'irais plutôt à conserver le format album juste parce que c'est ce qui me fait rêver, ce qui me fait plaisir. Et puis, c'est vrai qu'avec le format album, on a vraiment l'impression d'avoir donné une vraie œuvre, alors qu'avec peut-être le format on va dire EP ou alors single, on n'a pas vraiment on a peut-être l'impression que nos compositions, elles n'ont pas exactement le même statut, elles ne sont pas sorties sur un vrai album. Ouais. Tu vois, c'est un peu une B-side d'une certaine façon. Ouais, carrément. C'est voilà, mais c'est moi je comprends complètement le basculement vers le format single et ce qu'il faut comprendre c'est qu'au début de l'industrie musicale il y avait que des singles. Le nom de l'album c'est venu en fait comme un album de photos. C'est à la base c'était physiquement une composition de singles qu'on achetait ensemble. Mmh. Et après c'est devenu le fait de mettre sur même galette plusieurs CD. C'est vrai. À la base de l'industrie musicale et, quand la pop, enfin le rock est arrivé, c'était des singles quoi, qu'est-ce que c'était. Ouais, c'était les 45 tours et puis après ils sont passés au 33. Hein, ouais. C'est venu après le 33. Ouais. Bien sûr, c'était donc, long. Il n'y a rien d'alarmant en fait. Hein, voilà, la musique change, les formats évoluent. Moi, j'en ai rien à foutre de vivre avec mon temps. et c'est vrai que moi, j'aime bien les albums. Donc, je pense que. Enfin, j'aimerais plutôt un album. Tom, toi, t'es. Moi, j'aime bien les albums aussi. J'aime bien les albums aussi, avoir le disque, voilà, etc. Mais je suis pas non plus fermé à voir, quoi. À voir, c'est vrai qu'aujourd'hui, la majorité des groupes font ça, de sortir des singles et des titres, d'en sortir dans des formats, en effet, qui font parler de toi un peu plus souvent, et pas uniquement quand tu sors un album tous les 3 ans, et où plus personne n'entend parler de toi pendant 3 ans. Metallica, ils peuvent le faire, mais bon, ils sont... voilà, ils sont c'est ça. Pour l'instant, bon, nous, on n'est pas non plus très connus, donc bon... Là, on a sorti un album. Pour le deuxième, on verra. On verra. Ce sera une discussion de tous les membres du groupe en fonction de ce qu'ils veulent. Et puis, fonction également des compositions que vous avez dans votre besace. Ça, je pense que c'est une composante importante de l'équation. Si vous avez 5 titres ou 4 titres qui sont vraiment, vraiment bons et qui forment une unité, autant le sortir dans ce format-là. Plutôt que de vouloir en rajouter, on va dire, 4-5 pour en faire un vrai album. Ouais, et si, à l'opposé, vous avez suffisamment de matière pour faire un format complet et qui se tient, autant aller dans cette direction. Il ne faut pas vouloir forcer les choses dans un sens ou dans l'autre non plus. Tout à fait d'accord, tout à fait. En tout cas, on va passer un dernier morceau pour ce soir pour Coup d'État. Donc ça sort aujourd'hui même du côté de la Clonosphère. Bastard, est-ce que vous pourrez revenir sur ce morceau un peu plus court que le précédent? Ouais. Alors celui-ci, c'est un morceau qui est un peu à part dans l'album, mais c'est pour ça qu'on a voulu le diffuser. Il est très fusion, il fait très Rage Against the Machine. Et on veut le diffuser aussi parce que c'est un morceau qui est un peu particulier. Là, pour le coup, j'ai écrit des paroles, on va dire, sur commande de Théo. Donc Théona, elle est géorgienne. Et la Géorgie, comme l'Ukraine aujourd'hui, est envahie en partie par la Russie. Donc cette chanson, c'est juste un brûlot anti-Poutine, où Théona déverse sa haine et sa bile anti-Poutine. Et d'ailleurs, donc au milieu de l'album, on entend parler russe, et c'est le discours de Poutine lors de son invasion de l'Ukraine. Et donc pour Théo, c'est une chanson qui signifie son attachement, on va dire, à l'indépendance de son pays, de la Géorgie face à la Russie. Ok, en tout cas, on va envoyer ça. Merci les gars, Rémi et Tom, pour l'appel et le temps passé avec moi ce soir. C'est un plaisir. On retrouve Coup d'État dans toutes les bonnes crèmeries, qu'elles soient physiques ou numériques. Également en concert du côté de Saint-Étienne ou Lyon dans les prochains mois. Donc on vous tiendra informé lorsque ça se passera. Et voilà, en tout cas, jetez-vous sur cet album. Si vous aimez le métal, le rock au sens large du terme, que ce soit d'aujourd'hui ou même d'hier, des années 90, grosses influences, que ce soit plutôt groovy ou on va dire assez lourd, je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Et une personne qui a des goûts plus mélodiques se retrouvera dans d'autres facettes. Et peut-être que ça peut être également pour ces personnes-là une porte d'entrée pour apprécier des styles qu'ils n'écoutent pas à la base, il me semble. Donc on va s'envoyer ça tout de suite avec Bastard par le groupe Coup d'État. Ça s'écrit K-O-U-D-E-T-A, si vous cherchez ça sur YouTube ou alors Spotify. Ou alors tout simplement en bac, mais il ne faut quand même pas l'oublier. Allez, merci à vous, merci. On s'envoie ça tout de suite. Merci beaucoup. Yeah, of course! пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не столкнулись. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан. And I revel in your fear, but it's your imagination that has brought you here. So here's the revelation, and let me make it clear that I am your creation, and now I disappear. Afraid? Just look into my eyes. I'm mad. Alice Cooper, I'm Alice, extrait de l'album Road. C'est sorti sur le label Very Cold, vraiment excellent que ce. Alice Cooper, 74 en passé, une vitalité folle, beaucoup d'énergie. Et il a désiré enregistrer cet album en hommage à ce groupe qui l'accompagne sur la route depuis maintenant de nombreuses années. Sirith Ungold, ce groupe américain des années 80 de heavy metal pur et dur qui nous était revenu en 2016. Nous sort son dernier album, ça s'appelle ce groupe, une petite seconde, ce groupe qui nous fait du heavy metal pur et dur a annoncé qu'ils allaient prendre malheureusement leur retraite. Ils sont maintenant plutôt jeunes, ces pairs de Sirith Ungold, et ils nous quittent avec ce Dark Parade qui voit le jour sur Metal Blade Records, et c'est vraiment une superbe production. Donc pour les amateurs de heavy metal américain pur et dur, jetez-vous dessus, vous n'allez certainement pas le regretter. Un extrait de cet album Dark Parade, ce sera le morceau Relentless. Zerifungal, Relentless, extrait de cet album paru sur Metal Blade Records pour tous les amateurs de heavy metal racé. Donc là, on est quand même assez loin de ce que peut proposer un Sabaton ou un Powerwolf, à mon sens. Et c'est comme ça que j'aime que sonne mon heavy metal. Suicide Puppets, maintenant, paru sur le label MNO Music, et ce sera 1000 Ways to Die. Sometimes we don't like ourselves. And if I'm the problem, well, I know how to fix that too. Voilà pour le groupe Suicide Puppets, sorti sur MNO Music. On va passer maintenant aux faux mexicains de Borrera qui nous sortent leur dernier album. Ça s'appelle Esto es Borrera et on retrouve rien de moins que 7 titres dessus. Et on a de quoi s'amuser un sacré moment. La plupart des titres sont bien sûr assez court, on n'est pas loin de l'esprit grind dessus, mais toujours dans un esprit festif, comme sur ce Bestia de la Muerte qu'on va diffuser tout de suite dans Overdrive. extranjeros altos, curvas y túneles apretados. Hay co-inmigrantes de montones, como culo de puta de la calle Soliva. SOS Broguera, ça a vu le jour ces derniers temps du côté de Nuclear Blaster Records. Et on va passer du côté de Lyon maintenant avec Eight Sins pour du hardcore. Pas mal d'humour autour de la pochette très colorée de ce nouvel album. 10 titres pour à peine 25 minutes de musique. Donc on ne fait pas vraiment dans la dentelle, on ne prend pas vraiment de détour avec Eight Sins, extrait de ce Straight to Namek et ce morceau Last Action Zero qui contient un extrait sonore du film Last Action Hero que j'adorais quand j'étais gosse. Ce sera Last Action Hero par Eight Sins. Hey, t'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Superpower is to disappear. I won't sacrifice. I'm not impulsive to risk my skin. I'm too sensitive. I'm not reckless to fight your axe. Not brave enough to kill your boss. I won't take your place. I avoid carnage. I won't save your soul. And it's dangerous. Vous êtes avec le spectre. Oui. Et après 8 Sins, ce sera au tour de Death's Forgotten Children par le groupe Carnifex pour les amateurs de deathcore. Drive, c'est terminé pour ce soir. On se dit à la semaine prochaine, même heure, même fréquence, et on va se quitter au son de Asset pour du black metal avec Stress, cet album Astral Rape. On remercie encore une fois le groupe Coup d'État pour son superbe album et la très sympathique interview. Jetez-vous dessus. Merci, ciao, bye bye.